celui qui est assis sur le trône éternel, à celui qui vit au siècle des siècles. La gloire au celui qui était, à celui qui est, à celui qui est.